franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est une histoire effrayante, celle d'un pays qui donnait à espérer, qui suscitait des sympathies dans tout le monde occidental, malgré quelques dérives inhérentes, pensait-on, à sa jeunesse. Un pays même dont le modernisme, le dynamisme et l'absence de corruption pourraient servir d'exemple à ses voisins africains. Et puis soudain, la chute, la glaciation. En quelques jours de 2001, la petite Érythrée ferme ses frontières, interdit le pays à la presse étrangère, emprisonne tous ses opposants, met fin à toutes les libertés dont celle de la presse. C'est la dictature, un régime totalitaire qui terrorise ses 5 millions d'habitants. Et pourtant, il n'y a pas eu de putsch, pas de changement de dirigeant. C'est le même homme, Isaias Afewerki, héros de la guerre d'indépendance, une légende vivante, qui est resté à la tête de l'État et qui a donc ordonné ce retour vers les ténèbres. Le héros est devenu un tyran alcoolique. La semaine dernière, M. X a retracé à grands traits l'histoire de ce pays de la Corne de l'Afrique, longtemps assujetti à l'Éthiopie voisine, puis devenu colonie italienne avant de passer sous le contrôle de la Grande-Bretagne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Puis, d'être récupéré par l'Éthiopie au sein d'une improbable fédération. Ce sera ensuite une longue guerre d'indépendance qui va durer 30 ans et une destruction quasi totale du pays. Mais la paix revenue est fragile. Une nouvelle guerre éclate en 1998. La puissante Éthiopie est victorieuse. Mais politiquement, c'est la petite Érythrée, pourtant exsangue, qui gagne. Et malgré des accords de paix signés en 2000, la tension demeure, d'autant que la Corne de l'Afrique demeure une région agitée, propice aux manœuvres les plus tortueuses. En attendant, l'Érythrée est donc devenue l'un des pays les plus fermés au monde. La suite avec M. X. Septembre 2001. Retenez bien cette date qui n'a pas été choisie au hasard. Ouais, 18 septembre 2001, une semaine après les attentats de Manhattan. Oui, c'est donc le 18 septembre, alors que les yeux des journalistes du monde entier sont tournés vers New York, que le président érythréen précipite son pays dans la dictature. Oui, même si ça vous oblige à vous répéter, là, un mot sur ce président pour ceux qui n'auraient pas été à l'écoute samedi dernier. Isaias Afewerki, un grand bonhomme, tout sec, a vécu la plus grande partie de sa vie dans le maquis. Ouais, un guerrier. Hein. Mais un chef, un intellectuel aussi, qui a été formé politiquement et militairement en Chine. Ouais, dans la Chine des gardes rouges. Et une telle éducation, ça laisse des traces. Ah hein. Bah forcément, même si officiellement Afewerki a abandonné le marxisme doctrinaire en 1987, avant même l'indépendance. Il est intervenu en 1993. Oui, hein. À l'issue d'une guerre de libération particulièrement meurtrière. Et disproportionné. En effet, face à des troupes éthiopiennes puissamment équipées par les soviétiques, les maquisards érythréens ne faisaient apparemment pas le poids. Mais Afewerki avait transformé sa guérilla en une armée régulière, moderne. Et surtout, il s'était trouvé en Éthiopie même un allié efficace, Meles Zenawi, le chef de l'opposition armée au Négus Rouge, Mengistu. Un homme qui, disiez-vous, après être devenu son meilleur ami, sera ensuite son meilleur ennemi. Oui, dès qu'ils auront vaincu ensemble Mengistu. Car Zenawi, nouveau maître de l'Éthiopie, reprendra à son compte les prétentions territoriales de son pays sur la petite Érythrée. Enfin, passons. Nous avons déjà évoqué tout cela. Et revenons à ce 18 septembre 2001. Ce jour-là, Afewerki supprime brutalement toute opposition, toute presse libre et impose le silence. C'est comme si, d'un seul coup, le pays disparaissait aux yeux du reste du monde. L'Érythrée se refermait sur elle-même. L'événement est brutal, mais était-il imprévisible ? Pas tout à fait. Il y avait d'abord eu ce signe troublant. À la fin de la guerre avec l'Éthiopie, en mai-juin 2000, il n'y avait quasiment pas eu de démobilisation des conscrits de l'armée. C'est-à-dire ? tous ces soldats avaient été obligés de rempiler pour des temps indéterminés. Obligés, mais avec quelle justification ? Pour le président érythréen, l'éventualité d'une nouvelle guerre avec l'Éthiopie reste plus que jamais d'actualité. Par conséquent, on ne démobilise pas. Mais c'est un prétexte ? Afewerki ne ment pas quand il affirme que la guerre peut reprendre à n'importe quel moment. La preuve d'ailleurs, c'est que les incidents frontaliers ne cesseront pas jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, il prépare déjà autre chose. Mais alors, son coup de force ? C'est évident. Et dans la population érythréenne, les plus lucides le sentent. Entre juin 2000 et l'été 2001, l'opposition s'agite de plus en plus, et pour une raison très simple. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. En 1997, Afewerki a proposé et fait adopter une révision de la Constitution avec une réforme importante, l'institution du multipartisme. Mais la guerre avec l'Éthiopie a éclaté, on a pensé à autre chose. Évidemment. Mais la guerre étant terminée, la société érythréenne ne voit toujours rien venir. Oui, Afewerki ne se décide pas à appliquer cette constitution de 1997. Qui, outre la fin du parti unique, garantit aussi les libertés civiles et politiques. L'impatience gagnant, 15 hauts responsables et militaires réformateurs se regroupent au sein d'un G15, comme ils le nomment, et signent une lettre ouverte adressée au parti dénonçant la dérive dictatoriale d'Isaias Afewerki. Ouais. Et qui sont ces hommes alors ? Bon, la plupart sont de vieux compagnons de route et de combat d'Afewerki, des généraux, d'anciens ministres, des hauts fonctionnaires, des amis de toujours, et même un ancien chef des renseignements du parti unique et plusieurs fois ministre. Cette lettre ouverte est publiée par le journal SETI, un périodique créé en particulier par cet Isaac dont je vous ai parlé la semaine passée. Oui, un exilé réfugié en Suède, mais qui est revenu dans son pays natal pour participer à sa reconstruction. Hein. Et qui sera malheureusement l'une des premières victimes d'Afewerki. À tel point qu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il est encore seulement en vie. Alors revenons à cette lettre. Quel effet produit sa publication ? Parmi les élites du pays, on a alors le sentiment que la chute du président Afewerki est imminente. Ouais, mais ce 18 septembre 2001, là, c'est lui qui reprend la main. Et avec quelle brutalité ! Un vrai coup de tonnerre. Le gouvernement publie un communiqué diffusé par la radio publique érythréenne annonçant que la presse privée est suspendue. Elle était nombreuse ? Il existait quand même 8 quotidiens nationaux. Preuve qu'il existait dans ce pays un vrai débat démocratique. Mais il y avait surtout ce bi-hebdomadaire, le SETI, le périodique le plus lu du pays, créé en 1997 par Isaac et d'anciens maquisards. Donc pas foncièrement hostile au régime. Alors la suite. 4 jours plus tard, le 21, la police procède à l'aube à l'arrestation des membres du G15. 11 sont pris. 3 autres sont parvenus à fuir à l'étranger et un dernier a rogné sa signature et condamné les prétendus conjurés. Et que deviennent ceux qui ont été interpellés ? Ils sont regroupés dans les cellules du commissariat numéro 1, un complexe isolé occupé par la police au sud de la capitale. Mais bien sûr, ça n'est qu'un début. 2 jours plus tard, suit une nouvelle vague d'arrestations. Cette fois, ce sont les directeurs de journaux et leurs adjoints, tous conduits en détention sans explication. Mais 2 jours auparavant, ils avaient déposé au ministère de l'Information une lettre protestant contre la restriction de la liberté de la presse. Et dans cette nouvelle fournée, là, se trouve donc l'écrivain et journaliste Dawit Isaac. Ou encore le dramaturge et directeur de théâtre connu sur tout le continent africain et au-delà, Fesaï Yohannes, alias Joshua, dont on apprendra la mort en détention en 2007. Et sait-on ce que sont devenus à toutes ces personnes interpellées là ? Aucune explication n'est donnée par les autorités. On sait simplement qu'elles sont détenues, mais c'est tout. Elles ne sont pas jugées. Et les familles sont éconduites lorsqu'elles posent des questions ou se présentent devant les portes des éventuels lieux de détention. Bref, on a l'impression que ces personnalités et journalistes se sont évaporés du jour au lendemain. Aucune information ne filtrera. Si, mais bien des années plus tard, via un document anonyme sorti sur un site éthiopien. Ah bon, alors, qui a-t-on appris ? Ces prisonniers ont été coupés du monde et enfermés dans une toute nouvelle prison secrète, Herero, construite pour la circonstance. Un ensemble pénitentiaire situé dans une zone de désert escarpé, composé de 3 blocs de cellules individuelles aveugles, séparées par des murs d'une épaisseur de 3,50 m. Interdiction est faite au personnel du lieu de parler aux prisonniers, sous peine de finir comme eux. Quant aux conditions climatiques, je vous les laisse imaginer, torrides le jour, glaciales la nuit. Et pourtant, ce n'est qu'un aspect de l'épouvantable dérive de l'Érythrée. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Un mot sur cet artiste et journaliste, Johannes D. Joshua. J'ai trouvé ces lignes dans un petit livre édifiant de Léonard Vincent, Les Érythréens, qui explore avec précision l'enfer qu'est devenu ce pays. Le cirque de Joshua était une première, un rire immense dans les campagnes tristes, une douce balade dans les villes ankylosées. Avec sa troupe, Joshua avait fait le tour de l'Europe. En Grande-Bretagne, il avait pris des cours de mise en scène. À Paris, il avait émerveillé les amateurs de spectacles de rue. Son périple l'avait même conduit jusqu'à Hollywood, où il avait suivi des cours de comédie. Revenu à Asmara, ses bagages pleins de livres et de nouveaux amis, il se replongeait dans la vie intellectuelle du jeune pays pour lequel il avait combattu et pour lequel il avait également perdu sa première épouse et son frère, tués tous deux dans les tranchées, les armes à la main. À ses titres, entre 1998 et 2000, il avait dirigé la rédaction, écrit comme un enlumineur, conseillé les jeunes, fait rire les filles. En réalité, c'est l'Érythrée tout entière qui se transforme progressivement en prison ou en caserne disciplinaire. Les règles sont strictes. Seuls les citoyens de plus de 50 ans peuvent quitter le territoire, une fois munis d'un passeport et d'un visa de sortie. Visa d'ailleurs extrêmement difficile à obtenir. Il s'agit donc d'empêcher tous les hommes valides de quitter le pays. Oui, et je vous l'ai dit, ça a commencé en 1998 avec le début de la guerre de frontière avec l'Éthiopie. Asmara a alors rappelé les anciens combattants, les réservistes, et a étendu à une durée illimitée le service national. Et des obligations qui n'ont jamais été abolis. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains conscrits approchent de la cinquantaine. En outre, tous les jeunes gens, filles et garçons de 17 à 50 ans, doivent effectuer après leurs études 18 mois de service militaire. Puis ils sont obligatoirement versés dans l'administration sans avoir leur mot à dire sur leur affectation. Tant et si bien que beaucoup préfèrent rester dans l'armée où ils sont employés par l'État pour construire des bâtiments et des routes. C'est une forme d'esclavage. Exactement. À l'instar de ce qui se passe en Corée du Nord ou en Birmanie. Ouais. Et les autres alors? Ils vont donc travailler dans les ministères ou les entreprises publiques, les hôpitaux et les écoles, là où le pouvoir veut bien les envoyer. J'ajoute que des contrôles incessants dissuadent les citoyens d'échapper à leurs devoirs. Ouais, leurs devoirs, oui. Et qu'arrive-t-il à ceux qui osent malgré tout? Ils deviennent des clandestins dans leur propre pays. Ils doivent vivre terrés chez eux, car s'ils sont pris, ils sont directement envoyés en prison. Le régime organise donc à l'improviste de fréquentes rafles dans les rues des villes ou même à la campagne pour coincer les récalcitrants. Seules les femmes enceintes ou mariées avec des enfants sont épargnées. Conséquence immédiate, la main-d'œuvre paysanne se raréfie et les cultures sont abandonnées. Et puis il y a donc aussi de nombreux, très nombreux prisonniers. On estime qu'en Érythrée, il y a plus de 300 centres de détention, la plupart étant situés aux abords des grandes villes. C'est là qu'on enferme les déserteurs. On a aussi installé des camps d'entraînement militaire dans le désert, pour ceux et celles qui sont pris dans les rafles. Les jeunes filles qui ont été attrapées ou qui ont été enrôlées de force sont traitées dans ces camps comme des filles à soldats. Enrôlées de force, déjà. Oui, mais attention, c'est une expression qui est interdite en Érythrée. On préfère parler de programme de travail estival. Un programme gigantesque. Pour la seule année 2003, on estime que plus de 200 000 personnes, dont une moitié de femmes, ont été enrôlées de force. Mais on comprend mieux alors pourquoi tant de jeunes essaient de s'échapper. D'autant que leur espoir de faire des études s'est considérablement amenuisé. Le pouvoir a fermé la seule faculté du pays qui se trouvait dans la capitale, Asmara. Ou plutôt, elle a été scindée et transférée dans les campagnes. Fevorkin n'a pas oublié sa formation maoïste. N'est-ce pas? Et les étudiants vivent à la dure. Ainsi, l'unique collège d'agriculture est installé au nord, sur la route du Soudan, dans un décor lunaire. Le campus ressemble à une caserne dépourvue d'eau courante où se pressent un millier d'étudiants. et en cas de mauvais résultats, les étudiants sont aussitôt remis à la disposition de l'administration. Mais si vous pouvez faire état de telles informations, c'est que le pays n'est pas entièrement verrouillé. Jusqu'en 2005, il ne l'était pas encore totalement. Et des ONG travaillant dans l'éducation et la santé pouvaient encore y résider. Mais elles ont été progressivement expulsées. Et aujourd'hui, il ne subsiste qu'une seule ONG nationale et 9 ONG internationales dont les actions sont étroitement surveillées. Et pourtant, les besoins sont immenses. Vous précisez. L'UNICEF estime, par exemple, qu'1,5 million d'Érythréens, principalement des enfants, vivent dans une extrême pauvreté et sont en permanence dénutris. Et puis, comme dans nombre d'autres pays africains, il faut aussi évoquer les problèmes d'hygiène et le manque d'accès à l'eau potable. Mais si le pouvoir se méfie tant des ONG, c'est qu'il redoute la propagande des églises ou des sectes protestantes américaines. Ouais, les évangéliques, là. Et les pentecôtistes, ouais. Oui. Tous ces cultes qui se sont si bien développés en Afrique et en Amérique du Sud et qui véhiculent des messages politiques anti-islamiques ou anti-marxistes. Mais souvent avec le soutien de l'administration états-unienne. Hein. Comme au Darfour, par exemple. Par conséquent, il ne fait pas bon de se livrer au prosélytisme en Érythrée. Il y aurait actuellement 2000 missionnaires ou fidèles incarcérés, dont une vingtaine de pasteurs. Ils ne sont pas mieux traités que les autres prisonniers. Hein. On leur enjoint d'abjurer leur foi à coups de câbles métalliques ou de matraques. C'était le sort qu'a connu une grande figure artistique et spirituelle du pays, la chanteuse Hélène Berhan, qui a été emprisonnée et enfermée 18 mois dans un conteneur. Un conteneur. Mais la religion n'est pas interdite en Érythrée. Non, mais seules les églises orthodoxes, luthériennes, catholiques et bien sûr l'islam ont le droit d'exister légalement, à condition de ne pas se mêler des affaires politiques. En 2006, le patriarche orthodoxe a été assigné à résidence et dépouillé de ses biens pour avoir critiqué la frénésie de contrôle de l'État et il a été remplacé par une créature du régime. Mais, alors dans ces conditions, on en a déjà parlé, mais je pense que les candidats à l'exil doivent être nombreux. Hein. Certes, mais je vous l'ai dit. Les frontières sont très surveillées. Ils sont des milliers de gardes regroupés dans une brigade spéciale et qui tirent à vue sur les fuyards. Quant à ceux qui sont pris, ils risquent très gros. Aussi, la plupart du temps, ces malheureux doivent faire appel à des passeurs qui ne sont que des trafiquants de chair humaine et à qui il faut payer des sommes considérables. Et sans garantie de pouvoir passer la frontière. Hein. Ceux qui réussissent tout de même ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent parcourir un chemin harassant dans le désert soudanais ou risquer la traversée de la mer Rouge dans des conditions périlleuses. Et ensuite, ce qui les attend après plusieurs longs mois d'errance, c'est généralement un séjour dans un centre de rétention. En Europe du Sud. Dans l'île sicilienne de Lampedusa, par exemple, où les Érythréens sont à peine moins nombreux que les Somaliens ou les Nigérians. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, on estime que depuis 2004, 1 million d'Érythréens ont réussi à s'évader. Ça veut dire qu'un Érythréen sur 5 vit aujourd'hui à l'étranger, en majorité des moins de 30 ans. Ouais, c'est une véritable saignée démographique. Hein. Selon les institutions internationales, la petite Érythrée est le 10e pays pourvoyeur de réfugiés dans le monde. Et sur les 2 millions d'entre eux présents sur le continent africain, plus de 300 000 sont Érythréens. Détail curieux, certains de ces fuyards plus imaginatifs ont tenté de se faire passer pour des falachas éthiopiens. Ah oui, c'est ces Africains-là qui affirment appartenir à une tribu judaïque. Et qui ont été très nombreux à être acheminés en Israël. Ils n'ont pas été accueillis avec un grand enthousiasme. C'est vrai. En tout cas, les Érythréens sont passés en Israël, dont certains ont été conduits dans des camps de rétention. Mais c'est relativement anecdotique. Ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est que pour les exilés, leur installation hors d'Érythrée ne signifie pas la fin de leurs ennuis. C'est-à-dire ? Les mouchards du président Afewerki, les moustiques, comme on les appelle, ne les lâchent pas. S'ils parlent, ils sont menacés d'être battus ou même kidnappés. Et surtout, ils risquent de mettre en danger leur famille restée en Érythrée. Ouais, le pouvoir peut prendre ses parents en otage. Et même les précipiter dans l'un des bagnes du pays où ils peuvent disparaître corps et bien. Ça explique pourquoi les communautés d'exilés érythréens sont très fermées et discrètes. Le silence et le secret sont la règle, et la plupart de ces réfugiés refusent d'être photographiés. Autre calamité qui touche les exilés, le racket. Mais un racket organisé par qui ? Par ces moustiques, ces émissaires du pouvoir érythréen qui exigent le versement de 2% de leurs revenus, un paiement dont ils doivent s'acquitter auprès de leur ambassade ou de leur consulat. Et s'ils refusent ce racket ? Idem, on s'en prend à leur famille. Et la peur est telle que, malgré la révélation récente en Suisse de cette affaire de racket, aucun exilé érythréen n'a osé porter plainte. Extrait d'un article de 2010 paru dans Jeune Afrique. La torture, les traitements cruels et dégradants et le travail forcé sont monnaie courante pour les conscrits ainsi que pour les détenus, dénonce l'organisation Human Rights Watch. Les châtiments infligés incluent les pires méthodes héritées de l'Italie mussolinienne ou du régime éthiopien de Mengistu, comme la crucifixion. Le sinistre pénitencier de l'île de Dala Kebir retient prisonniers des déserteurs et des membres de l'opposition dans des baraques en tôle ou dans des conteneurs. Le tableau de l'Érythrée d'aujourd'hui est donc apocalyptique. Mais le dictateur alcoolique Isaias Afewerki ne se contente pas de terroriser son peuple. Il est aussi devenu un élément déstabilisateur dans la région et surtout dans cette corne de l'Afrique déjà si tourmentée. Alors, si vous le voulez bien, voyons ça point par point. Ouais, vous avez d'abord évoqué la Somalie, j'imagine. Bien sûr, parce que la Somalie, plongée dans le chaos depuis le début des années 90, va être un nouveau terrain d'affrontement entre les deux ennemis érythréens et éthiopiens. La crise éclate en 2006, alors que l'on est persuadé qu'une nouvelle guerre va s'engager entre les deux voisins. Et le conflit se déplace donc sur le terrain somalien. Oui. D'un côté, les Éthiopiens, poussés par les Américains, qui ne veulent plus mettre les pieds en Somalie, vont s'employer à rétablir un peu d'ordre à Mogadiscio. Ravagé par la guerre civile entre le gouvernement légal et les milices des tribunaux islamiques. Mais il faut dire aussi que l'intervention éthiopienne n'est pas tout à fait désintéressée, car il y a longtemps qu'Addis Abeba, toujours privée d'accès à la mer depuis la sécession de l'Érythrée, aimerait bien annexer une partie de la Somalie. Ah oui. Donc l'armée éthiopienne intervient en force. Et l'Érythrée alors ? Il est acquis qu'elle soutient les tribunaux islamiques. Asmara leur apporte une aide financière et matérielle. Et par conséquent, Érythrée et Éthiopie continuent à se combattre par alliés interposés. C'est ça. Afewerki accuse son meilleur ennemi, l'Éthiopien Zenawi, d'être une marionnette des États-Unis, tandis que lui-même est convaincu d'être le complice des héritiers des tribunaux islamiques, les redoutables milices Shebab, qui sont vraisemblablement affiliés à Al-Qaïda. Ah, mais qui ont été momentanément chassés de Mogadiscio. En tout cas, à Washington, on est maintenant loin des appréciations positives des dirigeants américains des années 90 sur Afewerki, chef d'État modèle et moderne. Et aujourd'hui, allié des terroristes. Et terroriste lui-même, si l'on en croit Addis Abeba. L'affaire est curieuse et a peut-être donné lieu à une manipulation. Quoi qu'il en soit, voici la version livrée par les autorités éthiopiennes. En janvier 2007, se tient à Addis Abeba le sommet de l'Union africaine. Très peu de temps après, les services éthiopiens annoncent avoir déjoué un attentat à la bombe et arrêté les terroristes. Tous érythréens. Mais problème, aucune preuve tangible ne vient appuyer cette affirmation. La conclusion. Il est certain que l'Éthiopie a voulu ainsi démontrer le caractère terroriste du régime d'Asmara. Asmara coupable aussi de venir en aide à ces autres terroristes fondamentalistes que sont les Shebab somaliens. Et la démonstration était destinée à Washington ? En priorité, oui. Et d'ailleurs, la sous-secrétaire d'État américaine du président Bush Jr., Jendayi Fraser, n'a pas tardé à réagir en qualifiant l'Érythrée de source de déstabilisation pour la Corne de l'Afrique. Et ça a valu à l'Érythrée d'être condamnée en 2011 par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté contre elle des sanctions économiques et le gel de ses avoirs à l'étranger. Autre fait troublant, 2 mois après cette tentative, vraie ou fausse, d'attentat, en mars 2007, 5 Occidentaux sont enlevés dans la région Afar, au nord-est de l'Éthiopie. Et les Afars constituent une ethnie qui est aussi installée à Djibouti. Et en Érythrée, et qui s'est souvent rebellée. Aussitôt, Addis Abeba accuse les soldats érythréens d'avoir traversé la frontière pour perpétrer leur forfait. Cette affaire fait long feu et les otages ont été rapidement libérés. Mmh. Autre manœuvre ? Destinée à prouver que le pouvoir érythréen est de nature terroriste. Mais ce n'est pas sûr, mais c'est vraisemblable. Et remarquez bien, 5 ans plus tard, donc au début de cette nouvelle année 2012, 5 nouveaux touristes européens sont enlevés dans cette même région. Mais malheureusement, ceux-là seront tués. Et de nouveau, l'Éthiopie a accusé l'Érythrée. Ouais, mais en réalité, qu'en est-il ? Je crois que les deux pays manipulent à tour de rôle des groupes rebelles à phare de part et d'autre de leurs frontières. Et cela depuis fort longtemps. Cela devait forcément rejaillir sur les relations de l'Érythrée avec son troisième petit voisin, Djibouti. Djibouti qui s'appelait au temps de la colonisation française, hein, le territoire des Afar et des Issa. En 2008, les relations se sont brusquement tendues entre Asmara et Djibouti. Elle a raison. L'Érythrée a déployé ses troupes dans la zone contestée du Doumera, un promontoire et une île située en territoire djiboutien. En fait, Asmara a réveillé un conflit frontalier franco-italien datant de 1935 et jamais tranché. Ça peut sembler ridicule, mais l'enjeu est énorme. Cette petite bande côtière permet de surveiller les passages du détroit, unique point de rencontre entre la mer Rouge et l'océan Indien, où passe 20% du pétrole mondial, dont près de 50% de celui destiné à l'Europe. Ouais, on comprend mieux là. Et ça s'est terminé comment là ? Il y a eu 3 jours d'affrontements armés en juin. Une 50aine de soldats djiboutiens et une 100aine de soldats érythréens sont morts. Mais surtout, on a observé la colère du pouvoir djiboutien qui a reproché à Paris de ne pas avoir respecté les accords de défense qui lient nos deux pays. Mais j'ai des doutes. Des doutes. Ça signifie quoi, ça ? Bon, je suis sûr que l'armée française stationnée à Djibouti est intervenue discrètement et qu'elle aurait agi plus ouvertement si les choses étaient allées plus loin. Mais enfin, passons. Le président djiboutien, qui a bien du mal à se dépêtrer de l'affaire Borrell, a trouvé là une occasion de lancer une pique à Paris. Enfin, revenons au rôle régional du président Afewerki. En Libye, il vient de perdre un allié précieux. Avec Kadhafi. Oui, les deux hommes étaient assez proches. Et Afewerki aurait même proposé au dictateur libyen de trouver asile à Asmara. Il lui aurait aussi envoyé une brigade de 200 hommes pour soutenir son combat contre la révolution. Mais il faut dire que le président érythréen avait de bonnes raisons de venir en aide à Kadhafi, qui lui a toujours fourni du pétrole et des armes. Alors la chute de Kadhafi, c'est donc un coup dur pour Afewerki. Ah, absolument. Et ça a été aussi un coup dur pour tous les exilés érythréens qui se trouvaient en Libye. Certains ont été raflés pour être enrôlés de force par les kadhafistes. Et d'autres ont été pourchassés comme mercenaires par les révolutionnaires en raison de la couleur de leur peau. Tant et si bien qu'ils ont pris tous les risques pour fuir. Oui, par la mer. Et je vous rappelle qu'au début d'avril 2011, une embarcation chargée de Somaliens et d'Érythréens a chaviré dans le détroit de Sicile. 400 de ces malheureux ont disparu dans ce naufrage. Mais si l'on met à part les relations souvent tendues que l'Érythrée a entretenues avec son autre voisin, le Soudan, c'est bien sûr la tension entre Addis Abeba et Asmara qui ne cesse pas d'inquiéter. Aujourd'hui encore ? Oui, parce qu'on a le sentiment que ces deux régimes autoritaires se sont lancés dans une fuite en avant qui risque de déboucher sur une nouvelle guerre, tant les deux chefs d'État se vouent une haine mortelle qui n'a fait que cuire et recuire avec le temps. Et qui, si elle donne lieu à un conflit ouvert, ne fera qu'ajouter encore un peu plus de désordre dans une région qui n'en a guère besoin. Enfin, je vous rappelle le titre du livre de Léonard Vincent, « Les Érythréens » chez Rivage, le seul ouvrage qui, à ma connaissance, donne des informations précises et circonstanciées sur la vie quotidienne dans cette prison à ciel ouvert. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous et nous dire ce que vous avez pensé de ce programme qui a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Billou et mis en musique par Monsieur Djoub. Un autre rendez-vous tout à l'heure et demain dimanche, je serai à Flers pour la fête des livres. Et tout de suite après le flash, c'est au de Mon amour de Denis Chessou.